Salut, moi c'est Harry. Arithmétique, et aussi curieux que cela puisse paraître, eh bien en calcul je suis nul. Si bien qu'en mathématiques, j'ai toujours préféré mes pneumatiques. Sauf que lorsque j'ai entendu que chez Citroën, ils proposaient 50% sur le deuxième pneu, plus la pose à 1 euro seulement, je me suis écrié « Enfin, une addition pas du tout gonflante !» Si bien que je me suis remis à aimer les maths tout autant que l'asphalte. Bref, merci plus merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable du 17 au 24 mars 2018 dans le réseau Citroën participant, conditions sur citroën.fr. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est le témoin privilégié d'un grand moment d'histoire que reçoit aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Mon invité est aujourd'hui un ténor du barreau de Bruxelles, maître Hippolyte Wouters, que vous avez entendu plusieurs fois dans cette oui. émission nous parler habituellement plutôt de théâtre en général oui. et de Molière en particulier. Si je lui ai demandé d'être des nôtres cet après-midi, c'est que je l'ai entendu raconter ses souvenirs du procès historique du général Salan et que je me suis dit qu'il serait bon de faire profiter nos auditeurs de ces moments privilégiés. Pourquoi se garder pour soi des choses qui peuvent être dites à l'antenne? Je remercie donc vivement Hippolyte Wouters d'avoir accepté de redire à tous ce qu'habituellement il réserve à une poignée d'amis. Et Lorena Martin nous parlera en fin d'émission de l'école militaire de Saint-Cyr. Et oui, dont Raoul Salan était issu, évidemment. Puis moi, je reviendrai sur les origines de l'alphabet braille, figurez-vous. Oui. Pour le moment, nous remontons donc 56 ans en arrière et poussons les portes du palais de justice de Paris où l'on s'apprête à juger Salan. 15 mai 1962, dans la grande salle d'assises du palais de justice de Paris, il est 13h quand s'ouvre le procès de Raoul Salan, qui a 62 ans. Imaginez cette salle d'audience bondée. Il y a là des avocats, bien sûr, des témoins, beaucoup de journalistes, des photographes aussi, près de 200 avec leurs appareils photo. Salan est là, en costume gris, il prend place dans son box. L'ambiance est tendue, ai-je besoin de vous le dire. Les avocats, les journalistes ont du mal à pénétrer dans l'enceinte du palais à cause de l'impressionnant service d'ordre qui a été mis en place, car c'est un procès très particulier. L'avocat général n'a d'ailleurs pas caché sa colère devant ce désordre. Arrêté près d'un mois plus tôt, le 20 avril, à Alger, Salan a été écroué depuis à la maison de la santé, à prison de la santé. Comparé donc l'ex-général d'armée Salan Raoul Émile Albin. C'est une juridiction d'exception qui va le juger, ai-je besoin de vous le dire, une juridiction instituée par le général de Gaulle un an plus tôt, un haut tribunal militaire qui a été créé dans la foulée du putsch d'Alger, bien entendu. Et c'est ce tribunal, c'est cette juridiction d'exception qui va avoir la lourde tâche de juger cet homme qui, en 42 ans de carrière, a participé à la Première et à la Seconde Guerre mondiale, aux guerres d'Indochine et d'Algérie, et est devenu le militaire le plus décoré de France. Croix de guerre de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Raoul Salan est commandeur de la Légion d'honneur en 45. Il va devenir Grand Croix de la Légion d'honneur. Il obtient la médaille militaire en 58. Il est également Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec 17 citations, dont 14 avec palme. Il a reçu les décorations des alliés, des États où il a servi. Toutes sortes de décorations également civiles et militaires du Vietnam, du Cambodge, du Laos, mais aussi de Tunisie, Maroc, Comores, Bénin, etc. En 1956, il a été nommé commandant supérieur interarmée de l'Algérie. Donc, vous voyez, dans un moment extraordinairement crucial, hein, c'est le patron de la guerre d'Algérie, si je puis dire. Et quelques mois plus tard, en janvier 57, il y a eu contre lui un attentat dont nous aurons l'occasion de parler pendant l'émission. Un attentat au bazooka. D'ailleurs, un de ses adjoints, le commandant Rodi, a été tué. Cet attentat a été commis par l'organisation de la résistance de l'Algérie française parce que, à l'époque, on considérait Salan comme le bradeur de l'Indochine. Et donc, on se disait qu'il venait faire la même chose en Algérie. Après la crise du 13 mai 58, qui a ramené au pouvoir en France le général de Gaulle, vous savez, il est nommé délégué général du gouvernement en Algérie. C'est donc de Gaulle qui le nomme. Et quelques mois après, il va perdre cette fonction et celle de commandant en chef pour le poste purement honorifique d'inspecteur général de la Défense nationale. Là, on peut dire que déjà les choses ont changé. Janvier 61, il y a le fameux référendum en France. 75% du corps électoral se prononce en faveur de l'autodétermination en Algérie. Et pour les partisans de l'Algérie française, on peut dire que De Gaulle, à ce moment-là, c'est l'homme qui n'a pas tenu ses engagements. C'est le traître, n'ayons pas peur des mots. Quelques semaines plus tard, Salan, qui se trouve en Espagne, va fonder une organisation clandestine, enfin, il contribuait largement, en tout cas, l'organisation armée secrète. Puis en avril, l'OAS, hein, il va rejoindre les généraux du cadre de réserve Zeller, André Zeller, Maurice Schall, Edmond Jouhaud, qui viennent de prendre le contrôle d'Alger. C'est le fameux putsch des généraux dont nous avons eu l'occasion de parler plusieurs fois ici. Alors, c'est une sorte de coup d'État qu'on mène à Alger, qui échoue complètement, vous le savez. Salan, à ce moment-là, s'enfuit, prend la tête de l'OAS en septembre. Les attentats à la bombe, les plastiques cages, les assassinats vont se multiplier en Algérie, mais aussi en métropole, avant que ne soient signés en mars 62 les accords d'Évian. Série d'arrestations des principaux cadres qui va fragiliser l'OAS. Et puis, bientôt, arrestation de Salan. Lorsque lui est arrêté, l'instruction de son procès est vraiment très rapide. Et ça, bien sûr, vous pouvez faire confiance aux avocats de la défense pour le souligner lors du procès. Instruction bâclée, diront certains. Salan a accepté de s'expliquer sur son passé d'officier. Seulement, il n'a rien dit et ne veut rien dire sur la période clandestine, qui intéresse tout le monde, bien entendu. Sur le banc des accusés, il faut l'imaginer, le général qui regarde le plafond de la salle d'audience, qui écoute les charges retenues contre lui pour avoir dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel lors du putsch des généraux, donc avril 61. Il est en infraction avec l'article 99 du code pénal. Est-ce que j'ai besoin de le souligner? Mais en ce qui concerne l'activité OAS, la justice a relevé d'autres infractions. Infractions aux articles 86, 87, 91, 95 du code pénal, pour avoir notamment tenté de détruire ou de changer le régime constitutionnel, rien que cela, d'exciter les citoyens à s'armer contre l'autorité de l'État, de troubler l'État par le pillage, l'attaque ou la résistance envers la force publique. Bref, vous aurez compris, je n'ai pas besoin d'en dire davantage, vous aurez compris que Salan encourt la peine de mort. D'ailleurs, il faut vous dire que Jouhaud, qui vient d'être jugé, a été condamné à mort juste avant lui, ce qui va faire planer sur tout ce procès une atmosphère très particulière. Devant lui, devant le box, ses avocats, quatre avocats qui sont là pour le défendre, dont le plus célèbre est Jean-Louis Tixier-Vignancourt, ancien député, secrétaire général adjoint à l'information de l'État français. Vous savez, il faisait partie du gouvernement de Vichy, Tixier-Vignancourt. Il sera plus tard le candidat de l'extrême droite à l'élection présidentielle. On n'y est pas encore tout à fait. Alors, dès le début du procès, l'un des défenseurs de Salan, Maître Le Corollaire, affirme que le haut tribunal militaire peut entendre Salan sur l'affaire du putsch des généraux, mais qu'il est incompétent à l'entendre sur ce qui concerne l'OAS. Car l'article 16 de la Constitution, vous savez, cet article tellement particulier qui donne les pleins pouvoirs au président de la République en période de crise, cet article n'était pas en vigueur après le 16 septembre 61. Et alors là, le procureur général est bien obligé de rétorquer quelque chose. Enfin, je dis procureur, il est le procureur dans l'affaire, il est donc avocat général devant la haute cour. Oui, il y a des tribunaux d'exception, mais il y a une chose, c'est que nous sommes toujours dans un pays de liberté. Car si nous n'étions pas dans un pays de liberté, on n'aurait pas besoin de prendre un article 16 pour en limiter le champ, dit l'avocat général. Bon, entre nous soit dit, voilà une défense qui, moi, me laisse un peu sceptique, mais bref. Le lendemain, 16 mai, Raoul Salan se lève du banc des accusés, il prend la parole. Il va parler pendant trois quarts d'heure et notamment, voilà ce qu'il va dire parmi ces phrases qui marquent l'assistance et comment. « Je suis le chef de l'OAS. Ma responsabilité est donc entière. Je la revendique, n'entendant pas m'écarter d'une ligne de conduite qui fut la mienne pendant 42 ans de commandement. Je ne suis pas un chef de bande, mais un général français représentant l'armée victorieuse et non l'armée vaincue. À la différence de celui qui vous demande licence de me tuer, j'ai servi le plus souvent hors de la métropole. J'ai voulu être officier colonial, je le suis devenu. Je me suis battu pour garder à la patrie l'empire de Gallieni et du père de Foucault. Mon corps a conservé les traces profondes de ce combat. J'ai fait rayonner la France aux antipodes. J'ai commandé, j'ai secouru, j'ai distribué, j'ai servi et par-dessus tout j'ai aimé. Amour de cette France souveraine et douce, forte et généreuse, qui portait au loin la protection de ses soldats et le message de ses missionnaires. Quand par deux fois l'heure du péril a sonné pour la vieille métropole, j'ai vu les peuples de l'Empire accourir à son secours. Algériens, Marocains, Tunisiens, Vietnamiens et Sénégalais se sont battus avec nous et souvent sous mes ordres. Quand on a connu la France du courage, on n'accepte jamais la France de l'abandon. » Après quoi, le général Salan revient sur la situation algérienne, etc. Il conclut « Je ne dois de compte qu'à ceux qui souffrent et meurent pour avoir cru en une parole reniée et à des engagements trahis. Je garderai désormais le silence. Voilà, si j'ose dire, sa ligne de défense, pas celle de ses défenseurs, bien entendu. Vous voyez que si jamais il y eut dans notre XXe siècle un procès politique en France, celui-ci l'était hautement. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors Franck, cet après-midi, vous nous racontez le procès de Raoul Salan, c'était en mai 1962. J'ai quand même une question avant de reprendre le fil de ce procès. Oui. Que sont devenus les principaux organisateurs du putsch des généraux d'avril 61? Les organisateurs, il y avait les généraux putschistes, il y avait Châle, bien entendu, Zeller, Jouot et donc Salan. Maurice Châle s'est rendu 4 jours et 5 nuits après le coup d'État à Alger, donc en avril 61, et il a été suivi à peu de jours près par André Zeller, chargé de l'intendance, si vous voulez, lors du putsch. Ils ont eu des procès rapides. Ils ont été condamnés en mai 61 par le Haut Tribunal Militaire, donc à 15 ans de détention et à la perte de leurs droits civiques. Ils ont été amnistiés en 68 et réintégrés dans leur dignité militaire. Après l'échec du putsch, Jouot était devenu l'adjoint du général Salan à la tête de l'OAS. Alors lui va être arrêté en mars 62, 4 semaines avant Salan, et donc, je vous le disais tout à l'heure, condamné à mort. Sa peine est quand même commuée en détention criminelle à perpétuité. Il sera incarcéré à Tulle, amnistié lui aussi en 68, et il ne sera réintégré dans ses grades et prérogatives qu'en 1982. On en dira un mot tout à l'heure. C'est intéressant ce qui s'est passé au début du mandat de François Mitterrand. Donc en 82, cette réintégration de Jouot et de Salan. Alors, revenons à notre procès. Au deuxième jour, Salan se défend d'avoir été mêlé à la préparation du putsch des généraux. On sait par une déposition de son aide de camp qu'il a appris l'affaire alors qu'il se trouvait donc en Espagne. Le mouvement a l'air bien lancé. Il est de mon devoir d'y aller. J'y vais immédiatement, avait-il dit. Salan prétend que son rôle a été secondaire, mais on sait qu'il s'est installé à Alger dans le cabinet du délégué général de l'époque, du représentant du gouvernement français, dans le cabinet de Jean Morin, qui lui a été mis en état d'arrestation par des commandos parachutistes. Et c'est un cabinet civil qui a été formé, et Salan est allé jusqu'à nommer un préfet à Tizi Ouzou. Donc, il s'agit bien là d'actes de gouvernement. Puis l'accusation en vient au second dossier, celui de l'OAS. Dès mai 61, un état-major est formé sous les ordres de Salan, qui à l'époque est caché dans la Mitidja. Il regroupe notamment 3 anciens de la semaine des barricades, une semaine du début de l'année 60, durant laquelle des activistes pieds noirs avaient appelé la population européenne au soulèvement. Et parmi eux, un certain Jean-Jacques Susini, qui prendra le commandement de l'OAS après les arrestations de Jouot et Salan. Arrive ensuite le bilan des attentats commis par l'OAS du 19 février 62 jusqu'au 19 février 62. On compte 2546 attentats individuels, 506 attentats collectifs, 12299 attentats au plastique ou explosifs. On compte parmi les victimes 239 Européens, 1383 Français nord-africains tués et plus de 4000 blessés, avec aussi un montant de vols dont on ne parle pas souvent mais qui s'élève à quand même 4 milliards. 4 milliards d'anciens francs de l'époque, 40 millions de tout nouveaux francs si vous préférez. L'accusation fait entendre un certain nombre de témoins, des fonctionnaires en charge officiellement et sur le terrain du problème algérien pendant cette période, là, 60, 61, 62. Parmi eux, le général Ayret, qui s'est opposé au putsch des généraux alors qu'il commandait la zone du nord-est constantinois. Parmi les témoins également de l'accusation, Jean Morin, dans le bureau de qui Salan s'était donc installé lors du putsch, ainsi que le préfet d'Alger. Leurs témoignages prouvent la responsabilité personnelle de Raoul Salan aux faits qui lui sont reprochés. Et certains soulignent également que le thème de l'Algérie française était considéré par Salan comme dépassé au moment où il dirigeait l'OAS. C'est-à-dire qu'il était véritablement passé dans une phase suivante. Il ne s'agissait plus là de se battre pour maintenir l'Algérie dans la France. Il s'agissait de se battre pour autre chose. C'est bien la question. Alors, ça c'est l'accusation. Du côté de la défense, on rappelle les engagements pris ou qu'on avait cru pris lors de la crise du 13 mai 58, l'affirmation d'une victoire militairement acquise en Algérie. On rappelle la nécessité de protéger la population contre les attentats du FLN, parce qu'évidemment il y a tout un contexte à tout ça. On rappelle aussi les actions des barbouzes chargés de lutter contre l'OAS. C'est-à-dire que chacun nettoie devant la porte du camp adverse, si vous voulez. la défense appelle à la barre plus d'une centaine de témoins. Des militaires qui gardent leur amitié à Salan, mais aussi des professionnels de la politique. Je pense à François Mitterrand ou Michel Debré sur l'affaire du bazooka dont je parlais tout à l'heure, cet attentat manqué contre Salan. Qui alors était commandant interarmé en Algérie, donc en 57. François Mitterrand, à l'époque, sortait de son poste de garde des Sceaux. Michel Debré était sénateur et leader de l'opposition. Alors, parmi les autres témoignages, il y a aussi une lettre écrite par André Zeller, l'un des putschistes d'avril 61, qui estime que Salan n'avait, je cite Zeller, « que le désir de conserver l'Algérie à la France pour le bien de l'une comme de l'autre ». Vous aurez bien compris que c'est un peu là-dessus que vont se cristalliser les débats, sur cette question essentielle. Et puis, il y a le frère de Georges Salan lui-même, qui vient témoigner, alors que, politiquement, le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas d'accord avec lui. Il affirme que si on amnistie les tueurs professionnels du FLN, on doit pouvoir en faire autant pour un médaillé militaire qui, depuis plus de 40 ans, s'est battu partout où la France était engagée. Arrive le dernier jour du procès, 23 mai, avec les plaidoiries. Et d'abord réquisitoire, et puis plaidoirie. Réquisition de l'avocat général qui déclare « Il est certain que Salan a voulu constituer un pouvoir central, qu'il a voulu lui-même exercer la souveraineté nationale. » Vous voyez bien que c'est le sujet. Hein. « N'attendez pas de moi que je reprenne toutes les informations que nous avons, tous les documents que nous avons. Je soulignerai simplement la tactique, la stratégie, car les deux termes se rejoignent, employés par Salan et Jouot. Prise en main des conjurés, recrutement, appel à la désertion, constitution de commando, organisation de réseau. En un mot, c'est l'intelligence mise au service du mal et qui oppose l'intention au mobile. La défense ne se méprend pas sur cette discrimination. Il y a eu des vols à main armée, il y a eu des attaques et des destructions, des assassinats, des hold-up et des bombardements. » Et puis, ensuite, c'est l'avocat de la défense. Enfin, les avocats de la défense vont plaider. Et bien sûr, Maître Tixier-Vignancourt. Hein. Voilà ce que nous dit Paul Pellissier. Il doit, du moins l'espère-t-il, confondre ceux qui ont trompé Raoul Salan et l'ont entraîné là où il est. Alors, il reprend à son compte une question sans cesse débattue par les tenants de l'Algérie française. De Gaulle a-t-il cru un jour à cette Algérie française ou a-t-il utilisé les circonstances pour la conduire vers l'indépendance ? Fin des plaidoiries, sur lesquelles nous allons nous étendre tout à l'heure avec notre témoin, bien entendu. 6 questions sont posées aux membres du Haut Tribunal militaire. Premièrement, a-t-il dirigé un mouvement insurrectionnel ? 2. S'est-il rendu complice d'attentats dont le but a été de détruire et de changer le régime constitutionnel ? 3. S'est-il rendu complice d'attentats exécutés dans le but de décider les citoyens ou les habitants à s'armer contre l'autorité de l'État ? Ça revient presque au même, mais c'est pas tout à fait la même chose. 4. S'est-il rendu complice d'attentats exécutés dans le but de décider les citoyens, etc. ? La même chose. 5. S'est-il opposé à la force publique en levant ou organisant des bandes ou en leur fournissant armes et subsides ? Et 6. Très important cette 6e question. Existe-t-il des circonstances atténuantes ? L'audience vient d'être suspendue là à 21h. Les juges du Haut Tribunal militaire se sont retirés pour délibérer. Ça va durer près de 3 heures. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, vous avez décidé de nous faire revivre le procès du général Raoul Salan. Nous sommes le 23 mai 62. 6 questions viennent d'être posées aux membres du Haut Tribunal militaire. Le Haut Tribunal militaire qui vient de se retirer pour délibérer. Exactement. Et c'est à 23h35, ce 23 mai 62, donc après plus de 2h30 de délibération et un grand silence, que le président Bornet, qui est debout, entouré des juges, lit les différentes réponses. Alors, vous savez, les 5 premières questions, vous vous rappelez, hein, question oui. Sur l'insurrection, sur la complicité d'attentats ouais. En but de... Enfin, en gros, les questions insurrectionnelles. Oui. À chaque fois, oui, ça commence à sentir le roussi. Mmh. Arrive la 6e question. Existe-t-il des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé Raoul Salan ? Et là, le président déclare, lentement, à la majorité des voix, il existe des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé Raoul Salan. Il n'a même pas eu le temps d'aller au bout, puisqu'immédiatement, le banc de la défense exulte. On se met à chanter la Marseillaise dans la salle d'audience. Marseillaise reprise par toute la salle, des cris de Vive la France, puis Algérie française, etc. Tixier-Vignancourt tombe dans les bras d'un Salan heureux et souriant qui lève les deux bras en avant vers les juges et qui dit plusieurs fois merci. Les avocats s'embrassent. C'est assez extraordinaire ce qui est en train de se passer. On va le revivre, nous, dans un instant. Et le lendemain, toute la presse revient, bien sûr, sur cet étonnant verdict. L'Aurore parle d'un incroyable verdict. L'Humanité, est-ce que je vais vous surprendre, dit « La vie sauve pour Salan, c'est le feu vert à de nouveaux crimes OAS ». Tandis que La Croix évoque un événement politique considérable pour l'Algérie. Le procès n'avait pas été aussi peu celui d'un homme, nous dit Jean-Marc Théoler. 7 jours d'audience n'avaient rien apporté de ce qu'il promettait. Il n'avait permis à aucun de discerner la personnalité du chef de l'OAS, ramené à une sorte d'abstraction. On avait jugé un nom. De là venait sans doute cette impression de malaise. À aucun moment l'auteur des faits reprochés, le signataire des circulaires ou des directives retenues à charge n'était apparu. À aucun moment non plus, les réalités de l'OAS n'avaient pu être véritablement concrétisées. Le surlendemain, ou plutôt le lendemain d'ailleurs du verdict, Raoul Salan va écrire depuis sa cellule « J'ai entendu sans faiblesse le verdict. Les circonstances atténuantes qui m'ont été accordées marquent bien que la voie que j'ai suivie, celle de l'honneur militaire tout court, était bien la bonne, la seule noble, la seule possible pour le soldat que je suis. » Donc Salan va être incarcéré à Fresnes, puis à Tulle et libéré, je vous le disais, en juin 1968. Il sera donc plus tard, en 82, réintégré dans ses prérogatives de général d'armée et de grand croix de la Légion d'honneur, ce qui lui aura quand même permis de vivre cette réhabilitation d'une certaine manière. Il mourra 2 ans plus tard, à l'âge de 85 ans. Bonjour Hippolyte Wouters. Bonjour Franck Ferrand. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce qu'il y a d'extraordinaire, ça nous arrive de temps en temps comme ça d'avoir des témoins de l'histoire, c'est que vous, ce procès Salan, non seulement vous l'avez vécu, mais vous l'avez vécu aux premières loges. Racontez-nous pourquoi. Ben oui. C'est quand même qu'est-ce que vous faisiez là, d'une certaine manière. Mais écoutez, je suis belge. Oui, bien. Voilà. Et donc la Ligue belge des droits de l'homme, quand j'étais jeune avocat, j'avais 27 ans à l'époque, m'avait demandé si je ne voulais pas aller suivre le procès Salan et puis faire rapport sur les conditions dans lesquelles le procès s'était déroulé et le jugement rendu. Bien sûr que j'ai accepté. C'était une expérience. Ah, et je ne l'ai pas regretté. Je ne l'ai pas regretté parce que, d'abord, comme je n'avais rien d'autre à faire à Paris, de suivre ce procès qui ne commençait qu'à 13h, j'arrivais déjà vers 10h en robe, avec mes sandwichs, mes journaux, mes bouquins, et j'attendais pour être sûr d'avoir une bonne place parce qu'il n'y avait que 35 places pour les avocats. Bon, comme j'étais le premier et que les avocats parisiens vaquaient à leurs occupations, j'étais toujours le premier à entrer. Et donc, je me trouvais... Vous étiez là, à la barrière, si l'on peut dire, c'est l'expression. Oui. Et donc, je me trouvais finalement au coin des bancs des avocats et des bancs de la défense. Et donc, je me trouvais à 1 mètre de Tixier-Vignancourt, ce qui fait que je le voyais vivre de près. Un autre grand avantage, c'est que je pouvais non seulement entendre les témoins, mais les voir... Le profil, mais je voyais. Oui, parce que quand on est dans une salle d'assises, généralement, oui. On est tout à fait dos à la barre, oui. Donc dos au témoin. On ne les voit pas. Oui. Et si je les voyais agir et voir parler quelqu'un est peut-être encore plus intéressant que de l'entendre. Oui, bien sûr. Il y a là un mystère. Et le moins qu'on puisse dire est que les témoins en question étaient pour certains d'entre eux très importants. Nous allons y revenir, mais il y a eu des gens comme Michel Debré, comme François Mitterrand, etc. Oui. Et puis tous les grands acteurs de cette période troublée de l'Algérie, bien entendu. Bon, oui. Et Salan lui-même, le général Salan, vous le voyez bien, j'imagine, dans son box. Je le voyais bien. Malheureusement, il n'avait pas beaucoup d'allure, en ce sens qu'il avait l'air un peu d'un clone qui sortait d'une représentation, parce que on l'avait arrêté en Espagne où il s'était teint les cheveux, il s'était grimé, et il avait encore un air un peu pitoyable. Vous savez, ses cheveux étaient encore roux alors qu'en fait il avait des cheveux gris. Donc, et puis s'est tu. Donc finalement, à part sa déclaration qui était très bien faite, on le voyait pas, il était un peu... C'était un peu le procès de Salan sans Salan. Sans Salan, voilà, un peu un procès par défaut au corps présent. Alors, ce procès a été émaillé d'incroyables incidents de séance. Oui. On peut dire que les yeux de l'Europe entière étaient rivés sur cette grande salle d'audience du Palais de Justice de Paris. Vous allez nous raconter comment tout cela se passait au quotidien. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck Ferrand, cet après-midi, jusqu'à 15h, vous nous emmenez au cœur de l'histoire de l'affaire Salan. Et bien sûr, nous sommes au cœur de la guerre d'Algérie. C'est un témoin de l'histoire et un témoin du procès Salan qui est avec nous et qui est votre invité. Vous recevez Maître Hippolyte Wouters, il est avocat au barreau de Bruxelles. Vous dites Hippolyte Wouters, qu'en fait, ce procès, c'était une tragédie grecque, mais... Ce qui était extraordinaire, c'était une tragédie grecque enrichie et agrémentée par le panache français. Voilà. La tragédie grecque, c'est très simple. Salan avait prêté 2 serments. Le premier, d'avoir, de devoir obéissance au gouvernement. Bah, évidemment. Et le deuxième, c'est de ne jamais lâcher les Algériens qui avaient fait confiance à la France. Et ces deux serments se sont... C'est un serment institutionnel et un serment de cœur, d'une certaine manière. Mais ces deux serments se sont trouvés incompatibles. Voilà. Donc c'était ça la tragédie grecque. Avec le panache. Mais le panache français, ça ajoute beaucoup, hein, croyez-moi, je peux vous le dire. Du point de vue du Belge, ça vous paraissait... C'est-à-dire qu'il y avait de l'éclat dans ces débats. Comme on dit à Bruxelles, vous savez causer. Il y avait de l'éclat. Il y avait de l'éclat. Je trouve que chacun de ces témoins, qu'ils soient militaires ou autres, ils parlaient mieux qu'un avocat belge. Tellement ils s'exprimaient avec force, avec élégance, avec émotion. C'était remarquable. Ça, c'était les témoins. Il y en a eu pas mal. Bon, j'en retiens quelques-uns au hasard. Oui. Il y avait bien sûr Michel Debré qui se trouvait dans une situation assez inconfortable parce qu'on le soupçonnait, on l'accusait à tort ou à raison d'avoir été à l'origine de l'attentat au bazooka. Qui avait tué. Il était, à l'époque de l'attentat, il était dans l'opposition. Ensuite, il était devenu le premier premier ministre du général de Gaulle, hein, bien sûr. Oui, il était, je dirais, en Algérie française au carré ou au cube, hein. Et donc, on l'avait soupçonné. Donc, il était là, mal à l'aise. Tissier Vignancourt l'a poussé dans ses derniers retranchements. Enfin bon, il en est sorti puisque le procès du bazooka avait été réglé. Par conséquent, il n'était plus question de revenir là-dessus. Alors, vous avez aussi François Mitterrand. Et on sentait qu'il y avait entre Tissier Vignancourt et François Mitterrand comme certaines connivences ou certaines accointances. Et d'ailleurs, c'était deux vieux routiers de la 4e République. Deux vieux routiers de la 4e République. Et alors, Tissier Vignancourt, à côté duquel j'étais assis, me faisait parfois l'honneur, si je puis dire, d'une petite confidence ou d'une petite anecdote. Il m'a dit, regardez un peu François Mitterrand, vous allez voir. Quand il ne dit pas la vérité, eh ben, il a toujours la même manière. Il papillonne des cils et puis il met la paume de sa main droite entre les doigts de sa main gauche. Mais ça, il l'a fait toujours, on l'a vu à la télé. Et comme disait Tixier, il finira peut-être par faire ça uniquement quand il dira la vérité. Voilà, c'était des petites méchancetés entre confrères, si je puis dire, parce que Mitterrand était avocat. Et est-ce que les débats volaient haut, si je puis dire? N'oublions pas la nature même du tribunal, qui est composé d'une façon assez particulière. Hein. C'est une juridiction spéciale. Alors, pour être spécial, la juridiction était tout à fait spéciale, parce qu'enfin, il y avait trois magistrats civils, trois magistrats militaires, et puis trois personnalités choisies par le général de Gaulle lui-même, dont j'ai oublié le nom, mais les autres s'appelaient Oppenau et Pasteur Valéry Radeau. Donc, avec cette circonstance, que ce même tribunal, avait condamné à mort, quelques jours avant, le général Jouot, qui n'était que le second de Salan, donc finalement la défense se trouvait a priori devant une tâche impossible. Bon, on peut un peu penser à cet avocat célèbre, tellement célèbre que j'ai oublié son nom, qui avait un jour aussi plaidant dans un procès impossible, avait dit « Pourquoi ces robes rouges? Pourquoi ces robes noires? Pourquoi cet appareil? Parce que c'est l'abattoir ». C'était à peu près dans ces circonstances-là. Oui, les choses étaient un peu écrites d'avance. Les choses étaient a priori écrites d'avance. C'est d'ailleurs pour ça que vous étiez au nom de la Ligue des droits de l'homme belge. Voilà, vous étiez là pour surveiller, si l'on peut dire. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils auraient fait si j'avais critiqué. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Vous savez, on peut parfois changer le cours de l'histoire sans s'en rendre compte. Alors, les avocats, on parle toujours de Tixier Vignancourt. Il y en avait d'autres avocats de Salan quand même. Il y avait un quatuor. Il y avait un quatuor, il y avait Maître Menuet et Maître Le Corollaire, qui étaient un peu, si vous voulez, les vedettes américaines. Et puis, il y avait un autre avocat, Maître Gutermanov, qui était à la fois un russe blanc et un pied noir, et qui, au lieu de faire une véritable plaidoirie, a fait une espèce de cri d'adieu à Salan. Et ce cri d'adieu était tellement déchirant, était tellement émouvant, qu'à la fin de sa plaidoirie, tout le monde pleurait, même les gendarmes. Et à ce moment-là, il y a le président du haut tribunal militaire, Monsieur Bornet, qui dit à Tixier Vignancourt, « Maître Tixier Vignancourt, vous avez la parole. » Et Tixier Vignancourt, se rendant compte qu'il y avait une telle qualité de silence, une épaisseur d'émotion extraordinaire, s'est dit « Oulala, c'est pas le moment de se mettre à plaider. » Et il se tait encore pendant 15 à 20 secondes, ce qui est long, et puis il dit « Monsieur le Président, messieurs les membres du Haut Tribunal Militaire, vous me demandez de parler, alors que j'écoute encore. » Européen au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes depuis 14 heures avec vous, Franck Ferrand, au cœur de l'affaire Salan, au cœur de ce procès du mois de mai 1962. Et c'est un témoin présent à ce procès qui nous en dit plus et qui nous raconte ce qui s'est passé. Vous recevez Maître Hippolyte Wouters, avocat au barreau de Bruxelles. J'ai parlé tout à l'heure de la tension au début des audiences. Est-ce que cette tension s'est maintenue pendant tout le cours du procès? Quelle était l'atmosphère dans la salle d'audience? L'atmosphère était assez tendue, ça c'est un fait. Ce qui faisait, je dirais pour moi, qui était observateur, l'excitation de la chose. Du procès. J'ai pas eu l'occasion de m'ennuyer une seconde. Oui. Bon, il y a eu des incidents, hein, quand même. Il y a eu des incidents. Par exemple, l'avocat général avait dit à un des membres de la défense qu'il avait posé cette question pour s'amuser. Alors là, évidemment. Pour s'amuser? Oui, pour vous amuser. Alors là, évidemment, la défense est montée au créneau. Là, on a appelé le bâtonnier. Elle est montée dans les tours. On n'est pas ici pour s'amuser. Enfin bon, c'était là. Un de ces multiples incidents qui font... Est-ce que vous aviez l'impression, nombreux étaient les observateurs de l'affaire, notamment les grands journalistes politiques qui avaient leur place également sur les travées de cette salle d'audience, est-ce que vous avez l'impression que c'était d'une certaine manière le procès de l'Algérie française qui était fait, il y avait cette dimension? Ah mais oui, c'était... Emblématique d'une certaine manière? Oui et non, c'est-à-dire que Tixier Vignancourt, dans sa plaidoirie qui a duré 3 heures note... a eu l'intelligence de ne jamais se prendre de front au général de Gaulle. Il disait ceci, le général de Gaulle, quand il a décrété, enfin, ou il a voulu que l'Algérie devienne, ne soit plus française, l'a fait pour des raisons politiques que je respecte. Mais le général de Gaulle était un politicien qui écrit avec de l'encre et un porte-plume sur du papier. Le général Salan est un militaire qui crie avec son sang et celui des autres sur le sable. Ce sont là deux attitudes totalement différentes. Et par conséquent, le général Salan, c'est ce que disait Tissier en tout cas, voilà, a été victime d'une certaine manière, a été trompé par de Gaulle qui lui avait fait croire qu'il était venu pour l'Algérie française et qui fait exactement le contraire de ce pourquoi il a été élu. Alors le général Salan ayant juré de ne jamais lâcher les Français et les Algériens surtout qui avaient fait confiance à la France, s'est trouvé dans cette situation. Mais comme disait Tixier Vignancourt, Machiavel ne faisait jamais assassiner ceux qui l'avaient trompé. Voilà. Oui, non, mais là, c'est la différence entre la politique et puis... Bien sûr. Mais c'était un peu... Donc, il n'a pas dit que de Gaulle avait tort. Il avait dit... Que c'était des logiques différentes dans lesquelles l'un et l'autre s'inscrivent. Oui. Il était là pour défendre. Et ça, il a bien clairement précisé. Je crois qu'il a eu raison. Et l'observateur des droits de l'homme que vous étiez n'a pas eu le sentiment que les choses étaient... que les dés étaient trop pipés, si je puis dire? Ça vous a paru... Les formes ont été respectées? Peut-être que les dés étaient pipés, mais ça n'a pas marché. Ah oui, alors voilà, c'est ça. Alors, avant d'en arriver au verdict, venons-en à la fameuse plaidoirie de Maître Tixier Vignancourt. C'est ce qu'on attendait tellement. Un moment absolument, absolument grandiose, parce qu'il a vraiment... Vous avez sous les notes, c'est les notes sténographiques, en fait, du procès, que vous avez sous les yeux. Oui. Il y a des moments absolument grandioses, parce qu'il a à la fois, fait preuve d'intelligence, d'humour, d'émotion, de culture. Enfin, c'était, je dirais... Ce qu'on appelle un grand ténor. Un grand ténor. Et alors donc il avait commencé la plaidoirie comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Alors il est parti par borgborigme progressif dans son propre rythme, mais très lentement pour donner encore au tribunal le temps de macérer la plaidoirie de son prédécesseur. Mais alors après 3 heures, le ton est monté, c'était devenu un véritable maelstrom. Et je peux pas m'empêcher de vous lire, de vous dire à peu près les dernières paroles de sa plaidoirie. Il disait ceci: dans votre réquisitoire, monsieur l'avocat général, vous avez à un moment été trop loin. Vous avez affirmé, par souci littéraire, je l'espère, que la peine capitale que vous réclamiez de ce tribunal, nul n'essuierait les larmes au tribunal de Dieu. Vous ne pouviez point le dire, et pas davantage ne pouviez-vous invoquer les morts des guerres. Je vous réponds en adjurant au tribunal de m'entendre, car depuis que j'assiste dans cette salle d'audience, le général Salan, jour et nuit, J'entends monter des grandes nécropoles militaires, des petits cimetières de ce qui fut le front, de Lorette et de Douaumont, de Cassino et de Mulhouse, de Caoban et d'ailleurs. J'entends monter l'innombrable raison de ceux qui ne sont plus, mais de ceux qui ne sont plus, parce qu'ils ont tout donné à la patrie. Ceux-là savent, monsieur le procureur général, le prix du sang, et certains sont couchés auprès de leur fils pour avoir une double fois accompli l'ouvrage et refusé d'amener le drapeau. Évidemment, devant un tribunal militaire, ce sera... Alors là, je vous assure que les décorations des militaires battaient la chamade sur leur poitrine. Et donc, cette délibération va durer un peu plus de 2 heures. Alors, il y a d'ailleurs, Tixier Vignancourt disait à propos de cette délibération, il révélait un petit secret. Est-ce que c'est oui, vrai? Mais ça, non, j'en sais rien. Moi, je vous raconte ce que j'ai vu. Oui. Je vous raconte ce que j'ai entendu. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé derrière les cloisons et moins encore les cloisons d'une salle de délibération. Mais c'est Tixier Vignancourt lui-même qui a raconté. Et je crois que c'est d'autant plus vraisemblable qu'en le racontant, il diminuait les propres mérites de sa plaidoirie. Il aurait dit que M. Pasteur Valéry Radeau, pendant la délibération, aurait sorti un revolver de sa poche et aurait dit à ses collègues « Si vous condamnez Salan à mort, je me suicide ». Voilà. Non, j'en sais rien, mais c'est ce que Tixier Vignancourt raconte. Comme s'il avait fait peser, en quelque sorte, une menace sur le jury. Peut-être. Et de fait, on va reconnaître les circonstances atténuantes au général Salan. Oui. Alors ça a été un moment évidemment extraordinaire. Donc, tout le monde s'est levé. Alors, au moment où le haut tribunal dit qu'il y a des circonstances atténuantes, tout le monde a évidemment compris que ce ne serait pas la peine de mort. La salle s'est levée comme un seul homme pour chanter la Marseillaise. Et moi-même, qui étais là comme témoin... disons neutre, je comprenais les parties, les deux parties, encore que en tant qu'avocat j'avais toujours évidemment une petite inclination pour la défense, ça, c'est assez normal. Je me suis retrouvé malgré moi et sans le vouloir à chanter la Marseillaise et à me lever comme ça au milieu de tout le monde parce qu'il était physiquement impossible de faire autre chose. Mais alors ce qui était extraordinaire, c'est que Tixier Vignancourt s'est levé sur le banc de la défense, a ouvert sa robe, a montré ses grandes bretelles tricolores, chantait la Marseillaise comme basse soliste alors que nous étions le chœur. C'était absolument extraordinaire comme moment. Eh bien, voyez-vous, Hippolyte Vouter, ça c'est exactement le genre de détail qu'on trouve rarement dans les livres d'histoire. C'est aussi l'intérêt de temps en temps de faire du témoignage, ce qu'on appelle nous de l'histoire orale. Merci beaucoup de nous avoir fait revivre ces heures si particulières. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes depuis 14 heures sur Europe 1 au cœur de l'histoire de ce procès du général Raoul Salan. Nous allons rester dans l'univers militaire puisque Lorena Martin nous amène à l'école militaire de Saint-Cyr. Oui, alors Saint-Cyr, dont sortait Salan bien entendu, mais pas seulement. Gallieni, De Gaulle, c'est ce qu'on a besoin de le dire, beaucoup de maréchaux, hein, Juin de Tassigny, Leclerc bien entendu, Pétain, MacMahon dans un autre registre, même Charles de Foucault sortait de Saint-Cyr. Lorena. Exactement, et le général Salan est sorti de la promotion Lafayette, 1917. Saint-Cyr, c'est l'école qui forme les officiers pour l'armée de terre. On la doit à Napoléon qui l'a créée en 1802 et dès 1808, l'école quitte Fontainebleau pour s'installer à Saint-Cyr, près de Versailles, d'où son nom. Elle va y former des officiers... Ancienne maison de Madame de Maintenon, bien sûr, en lisière du parc de Versailles. Et elle va y former des officiers pendant presque 140 ans, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale où les bâtiments sont détruits. Aujourd'hui, il ne reste à Saint-Cyr l'école que le lycée militaire de Saint-Cyr, qui forme surtout les enfants de militaires, d'agents du ministère de la Défense. Et donc, après la guerre, Saint-Cyr déménage en Bretagne, où l'école se situe encore aujourd'hui, et dans le Morbihan, sur les terres de Couette-Quidan, dans la commune de Guerre. Et elle prend alors le nom de Saint-Cyr-Couette-Quidan, qu'on connaît aujourd'hui. Et à l'origine, c'était un camp d'entraînement. Oui, on dit Saint-Cyr, mais maintenant, ça se passe en Bretagne, tout ça. Exactement. Et c'était un camp à l'origine d'entraînement de l'armée qui accueillait fantassins, artilleurs et cavaliers. Depuis le 19e siècle, il a même accueilli des réfugiés espagnols fuyant le régime de Franco. C'est un camp au départ temporaire qui deviendra permanent avec la création d'un champ de tir d'artillerie. Et aujourd'hui, on ne parle plus de l'école de Saint-Cyr, Couette-Quidan, mais des écoles, puisque le site était un véritable campus militaire. Il y a l'école spéciale militaire, l'école interarmes, le 4e bataillon de l'école spéciale militaire et l'école d'administration militaire. Mais je ne vous savais pas si porté sur le galon, en fait. J'aime les militaires, c'est ça en fait, Lorena. Donc une école, très internationale. On voit aussi les Saint-Cyriens sur les Champs-Élysées, 14 juillet juillet, bien sûr, on les reconnaît. Oui, avec leur casoir, hein, avec des plumes rouges et blanches, en hommage à la reine Victoria qui avait rendu visite à l'école. Et qui avait donné ce casoir, en quelque sorte. Hein, oui. C'est elle qui a baptisé. Et on connaît bien sûr la galette aussi, leur chant, le chant de tradition des Saint-Cyriens. Que vous nous chanterez la prochaine fois. Ah ben le voilà, tiens. Soit immortel en notre histoire. Ah oui, non, ça rigole pas. Hein. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Un retour aux origines consacré aujourd'hui à l'alphabet braille. Oui. Alors, on le sait, hein, Franck, il porte le nom, l'alphabet braille, le nom de son créateur, c'était Louis Braille. Oui, Louis Braille qui met au point cette technique d'écriture tactile permettant donc de lire avec les petits points saillants. Ouais, vous savez, ouais. Il était aveugle lui-même, Louis Braille, bien sûr. Le système est simple, mais encore fallait-il y songer. Les points sont au nombre de 6, ils forment deux colonnes de 3 points. Ça ressemble un petit peu à des dominos pour vous faire une idée. Et la disposition de ces points dans la matrice, eh bien, ça finit par faire 63 combinaisons différentes, ce qui permet évidemment d'écrire tout simplement et de lire. Donc ça veut dire qu'avant Louis Braille, il n'y avait pas de système de lecture pour les non-voyants ? Alors, il existait déjà un système. La technique avait été inventée par l'ingénieur et officier Charles Barbier de la Serre. Et au départ, il s'agissait d'une technique qui permettait de retranscrire des sons grâce à des points en relief. L'écriture nocturne, comme on disait à l'époque, ça permettait aux officiers d'écrire ou de lire dans le noir, par exemple. Bon, en 1821, Barbier de la Serre décide de proposer sa trouvaille à l'Institut Royal des Jeunes Aveugles de Paris. Donc il y avait déjà ça, évidemment. D'accord. Et Louis Braille, lui, il est né aveugle ? Alors non, il n'était pas atteint du handicap. Il a perdu la vue à l'âge de 3 ans. Il était né en 1809, le petit Louis. Il avait grandi auprès d'un père qui était bourrelier. Donc il a passé le plus clair de son temps dans l'atelier de son père, dans un environnement dangereux pour un enfant de cet âge-là. Hein. Et ce qui devait arriver arriva. En voulant jouer avec un des outils de son père, ben, il s'est blessé à l'œil droit et l'infection s'est propagée à l'œil gauche. C'est comme ça qu'il est devenu aveugle. Mais on a envie de dire que c'est un mal pour un bien pour beaucoup de monde. Parce que grâce à lui et grâce à ce handicap, il s'est penché sur cette question et il a permis, sinon de rendre la vue, en tout cas de rendre la lecture à des millions et des millions de personnes non-voyantes. J'en profite pour saluer tous ceux qui nous écoutent chaque jour, car je sais que la radio joue un rôle très important pour les personnes qui voient mal. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.